Maintenant, c'est à vous. Répondez à la question. En anglais, qu'est-ce que c'est? Ou. En français, qu'est-ce que c'est? Avec la réponse. En anglais, c'est. Ou. En français, c'est. Par exemple, en français, qu'est-ce que c'est un mobile phone? En français, c'est un portable. Et puis, répétez la bonne réponse. Vous comprenez? Oui, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? C'est vrai. Et maintenant, commençons. En anglais, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? En anglais, c'est why? En français, qu'est-ce que c'est a mobile phone? En français, c'est un portable. En anglais, qu'est-ce que c'est téléphoner à l'hôtel? En anglais, c'est to telephone the hotel.